alias et Turpitude. Papa et maman sont rentrés de vacances juste à temps pour l'anniversaire de Faustier. Ils l'ont invité à Andon dans le restaurant de leur ami Franck. Évidemment, pour ne pas s'ennuyer en la seule compagnie de leurs enfants, ils ont aussi invité plusieurs de leurs amis. Aucun de ceux de Faustier, évidemment. Ainsi, l'anniversaire de celle-ci est tout simplement passé à la trappe. La reine de la fête? Dans ses rêves. 20 ans? Le bel âge que tout le monde envie? Faustine n'en pense pas un mot. En ce week-end le plus meurtrier de l'année, celui du 15 août précisément, elle se sent plus seule que jamais. Théo n'a plus donné signe de vie après leur dernier rendez-vous. Il l'avait conviée au restaurant, puis au cinéma, voire au temps on emporte le vent. C'était une belle soirée. Il a voulu qu'elle monte boire un dernier verre chez lui. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Elle lui a avoué n'être pas encore prête à oublier Bernard. Il n'a pas apprécié du tout. Pourtant, au fond d'elle-même, Faustine sent bien que le souvenir de Bernard s'estompe. Il ne faudrait plus grand-chose pour qu'elle passe à autre chose, pour ne pas dire à quelqu'un d'autre. Mais ça ne sera pas Théo. Ah, et papa qui lui a fait une scène quand il a vu la bourde qu'elle a commise en achetant cette voiture, sans même lui en parler. Pas qu'il soit un spécialiste en mécanique, non, mais au moins il l'aurait fait expertiser, lui. Il aurait pris l'avis d'un garagiste, lui, un professionnel. Faustine hausse les épaules. On verra bien le moment venu. Pourquoi ne pas faire confiance? Le monde n'est pas constitué que d'escrocs, si? Parfois, elle se pose la question à propos des escrocs. L'autre soir, comme souvent, elle a fait du stop pour rentrer chez elle. S'est arrêté un carrosse italien dessiné à coup sûr par Pininfarina. Au volant, un beau ténébreux. Genre Antonio Banderas quand il aura 30 ans. En costard blanc, celui-ci lui a fait signe de monter. Elle lui a tapé dans l'œil, si sûr, parce qu'en la déposant en route de la Marigarde, il l'a invité à une petite soirée qu'il donne chez lui ce soir pour quelques amis. Vers 20h30. Sera-t-elle dès l'heure? Et pourquoi pas, répond Faustine. Parfait, je repasse vous prendre à 20h. Faustine ouvre sa ponderie et se désole. Elle n'a rien à se mettre. L'homme était impeccable dans son costume en lin. La jeune femme sent que les apparences comptent pour lui. Il n'y a qu'à voir comment les Italiens vêtent leurs petits le dimanche. Il faut qu'elle soit à la hauteur. Une heure plus tard, elle opte pour une petite robe dégriffée, sobre et kitsch, la seule en fait, qu'elle vient de recevoir. Et puis flûte, si ça lui plaît pas, tant pis. À 20h précise, coup de klaxon, Antonio est là. Faustine, intimidée, pose beaucoup de questions pendant le trajet. Que fait-il dans la vie? Il brasse des affaires. Est-il marié? Non, pas encore. Il cherche toujours l'âme sœur. Est-il en France depuis longtemps? Non, pas très. Et il repart bientôt. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une de ces magnifiques résidences cannoises, hyper surveillées et sécurisées. Chez Antonio, ça sent bon dès la porte d'entrée. Il y a déjà du monde. 3 jeunes femmes superbes. Faustine se demande ce qu'elle fait là. A-t-elle été choisie comme repoussoir ou quoi? Et 2 ou 3 glandeurs, aussi bien nippés qu'Antonio, presque un peu trop pour être honnête. Mais sans équivoque pour autant. La nouvelle venue tente de faire connaissance, sans grand succès. Ces dames sont fort absorbées par l'analyse des vertus Giorgio Armani versus Coco Chanel, et ce n'est pas Faustine avec ses mignonnettes robes en vichy rouge et blanc, cousues par maman, qui peut soutenir la comparaison. Elle se rend vite compte qu'elle ne joue pas dans la même cour. Quant aux messieurs, ils supputent les prochaines courses à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. On boit l'apéro, champagne évidemment. Puis l'hôte paraît enfin, avec un magnifique rôti baignant dans un liquide blanc, le tout accompagné de pâtes fraîches et de légumes vapeur. Relégué en bout de table, à droite d'un jeune homme qui ne parle qu'à sa compagne de gauche, Faustine savoure le rôti de porc au lait, délicieux, vraiment. Les bouchons sautent, la conversation s'anime, les langues se délient. En italien. Faustine n'y comprend goutte, malgré le Chianti, et se surprend à regretter d'être là. Elle en est à élaborer des stratégies de fuite sur le mode vacances romaines quand leur hôte propose de continuer la soirée en ville. La petite troupe bagnote dans la rue d'Antibes, examinant les affiches des cinémas. Bof, rien de passionnant. Les cabarets, eux, sont bondés. Pour finir, tout le monde échoue dans un dancing où Antonio a ses entrées. Les garçons faussent au bar, les filles sur la piste. Au moment des slows, un jeune homme blond invite Faustine. Il se prénomme Laurent, s'avère charmant, drôle et intelligent. Ils ne se quittent plus. Faustine danse et rit beaucoup. Quelle belle soirée. Vraiment, elle a de la chance aujourd'hui. Minuit, c'est l'heure du bain. Laurent propose à Faustine de quitter ses amis et d'aller prendre l'air avec lui sur la plage. Après, si elle le souhaite, il la raccompagnera à Grasse. Faustine est partante. Remerciant Antonio, elle salue à la ronde et sort à la suite de Laurent. Les deux jeunes gens déambulent main dans la main, se racontant longuement leur vie. Enfin, Laurent montre des signes de fatigue et propose de s'asseoir. Il y a justement une pile de matelas de plage qui leur tend les toiles dans un recoin mal éclairé comme par un fait exprès. Pas besoin de vous faire un dessin. Au bout de 30 secondes de corps à corps silencieux, Faustine se relève, comprenant soudain qu'elle a intérêt à fuir si elle ne veut pas passer à la casserole. Le sieur Laurent s'étant subitement transformé en prédateur. Elle court, la jeune femme, jusqu'à la station de taxi la plus proche. Et là, angoisse. Lui reste-t-il assez d'argent pour couvrir la distance? Heureusement qu'il y a un bon Dieu pour les jeunes imprudentes. Quand elle lui demande « Combien jusqu'à Grasse ?» le chauffeur répond « 50 francs ». Et c'est précisément ce qu'elle a sur elle. Une demi-heure plus tard, elle se glisse entre ses draps. Ouf, sauvée! Le 4 septembre 1976, Faustine passe l'examen du permis de conduire. Si tout va bien ce soir, elle pourra enfin étrenner sa voiture. Jusqu'à présent, elle se contentait d'aller la voir tous les jours et d'en caresser le volant. Tremblante, elle s'installe dans le véhicule école à côté de l'expert, boucle sa ceinture, tourne la clé, regarde dans le rétro et démarre. Pendant les premiers kilomètres, tout va à merveille. Elle se sent de plus en plus sûre d'elle. Précise, efficace, prudente toutefois, jusqu'à ce que... elle grille un stop. Bon, mademoiselle, vous comprendrez que dans ces conditions, blablabla, revenez dans 3 mois. Phénoménal, les catastrophes! L'ex-future conductrice retourne à l'école, piteuse, pour s'entendre dire par France que c'est assez logique, somme toute. Elle a manifestement manqué de maturité et de sens des responsabilités. Mais bon, ce n'est pas non plus la fin du monde. Après tout, la majorité des apprentis conducteurs ratent l'examen la première fois. Est-ce que Faustine veut bien, malgré tout, revenir avec 2 photos d'identité pour compléter son dossier? Dans 3 mois, c'est sûr, elle aura son papier rose. À l'atelier aussi, c'est la honte. Maman se moque, bien sûr, secrètement satisfaite que sa progéniture ne fasse pas encore partie des dangers publics sur route. Prends donc quelques leçons de plus, ça ne peut pas te faire de mal. Après tout, tu as toute la vie devant toi. Toute la vie, c'est vite dit. On voit bien que ce n'est pas ton argent, maugré la donzelle, en allant prendre rendez-vous chez le photographe.